Bah alors, toi aussi, t'es bon pour le recyclage, mon vieux grippin? Eh oui, mon petit sèche-cheveux, j'ai grillé ma dernière tartine. Et t'aimerais être recyclé en quoi? Eh ben, en cafetière, figure-toi. Ah ouais? Eh ouais, après tout ce pain grillé, j'ai toujours rêvé de me faire un bon petit café. Et toi, tu vois quoi pour ta deuxième vie? Moi? Alors là, je sèche. Ah, excellent, excellent. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 3, la possibilité d'une ville verte. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gillon. Derrière nous, on quitte la zone de Paris-Nord-Villepinte avec Ikea et toutes ces grandes surfaces et ces linéaires énormes de bureaux en mètres carrés. On est sur l'autoroute qui est à deux fois ou trois fois, quatre voies, enfin je ne sais pas combien de voies il y a, c'est extrêmement important. Avec au-dessus de nous, effectivement, les gros porteurs qui passent. Et puis, devant, s'ouvre un paysage totalement différent, si on le regarde, avec un milieu ouvert de champs, de grandes cultures, hein, puisqu'on y cultive essentiellement de la céréale. Et puis, un peu plus loin, d'ailleurs, on voit aussi des restes de boisements, de forêts, qui constituaient aussi le paysage de la plaine de France, en partie, en tous les cas. Donc voilà, c'est vraiment différentes strates de paysage avec quand même quelque chose de notoire. Hein, c'est qu'on voit le front urbain qui avance et qui finit par enserrer totalement ces milieux ouverts. Triangle de Gonesse, à quelques kilomètres au nord de Paris. Des terres agricoles parmi les plus fertiles d'Île-de-France, choisies pour l'implantation du projet Europa City. Antoine Lagneau, spécialiste en écologie urbaine. Alors, Europa City, c'est effectivement un projet qui va urbaniser 300 hectares des 700 hectares sur lesquels on se trouve, donc du triangle de Gonesse. 300 hectares pas dédiés uniquement au projet en lui-même, puisque le projet en lui-même fera 80 hectares. Et 80 hectares, donc, de centres commerciaux, 80 hectares de bureaux, 80 hectares de loisirs, puisque donc c'est vendu, Europa City, comme étant cet ensemble qui, dans l'esprit des promoteurs, c'est recréer une ville en plein milieu des champs. C'est une ville dans la ville, vous arrivez dedans, vous pouvez à la fois y loger, puisqu'il y aura aussi des hôtels, vous pourrez y faire bien entendu vos courses, vous pourrez vous y distraire. Donc en fait, il vous offre clé en main pendant une heure, pendant deux jours, pendant X temps, la possibilité de faire tout ce que vous pouviez faire avant à l'extérieur d'une telle structure. Et évidemment, eu égard aux enjeux écologiques, aux enjeux environnementaux, mais même aux enjeux économiques, un tel projet est totalement en inadéquation par rapport aux questions qui nous occupent. On est encore une fois sur un territoire où a eu lieu la COP21 en 2015 et on voit bien qu'à travers ce qui avait été dit à l'issue de ce sommet, Europa City présente l'exact contraire sur l'impact environnemental, sur ce que ça va signifier en termes d'urbanisation, de minéralisation des terres agricoles, on se pose des questions. Marc Barra, la ville et Paris et l'Île-de-France à l'heure de l'Anthropocène, c'est un tissu du vivant qui est en train de se déliter. Un des enjeux, c'est de reconstruire ce tissu. Effectivement, la biodiversité s'effondre dans pas mal d'endroits et c'est le cas aussi en Île-de-France. À l'Agence régionale de la biodiversité, on publie justement des états de santé de la nature et on construit des indicateurs. Et les résultats sur les 10 dernières années nous montrent qu'on a perdu dans les milieux urbains 33% des papillons en abondance et 22% des oiseaux en abondance, toutes espèces confondues. C'est assez dramatique. Donc, c'est pourquoi les papillons et les oiseaux ? Parce que ce sont des espèces clés, des espèces dites parfois parapluies, qui, quand elles se portent pas bien, reflètent le reste de la biodiversité qui lui aussi va pas très bien. Voilà, ce sont de bons indicateurs. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi on perd des papillons ? Pourquoi on perd des oiseaux ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, mais évidemment, l'urbanisation en est un des plus importants. Aussi les pollutions et l'usage notamment des pesticides, qui a un effet, par exemple, sur les papillons qui sont très sensibles. Et donc, pour inverser la tendance, suite à ces déclins d'espèces, il faut inventer une autre façon d'urbaniser. En construisant un peu moins, parfois, et en utilisant en priorité la rénovation de l'existant. Et puis, dès qu'on peut, partout dans l'espace public, sur les bâtiments, c'est remettre de la verdure, le plus possible, le plus connecté possible, de façon à ce que les espèces ne se retrouvent pas bloquées dans des espaces de trop petite surface, mais puissent se déplacer le long de corridors écologiques pour se reproduire, pour avoir un brassage génétique qui est important, évidemment, dans le monde vivant. Et ça passe par d'autres connaissances de la part des métiers de l'urbanisme, de l'architecture. Et nous, on est là, les écologues, pour venir compléter ces connaissances et imaginer la ville de demain ensemble. Thierry Pacot, philosophe. La conséquence d'une approche anthropocénique de n'importe quel phénomène, c'est de nous dire qu'il n'y a pas une priorité. C'est-à-dire qu'il faut tout faire en même temps, il faut tout changer en même temps, il faut tout prendre en considération en même temps. Alors l'image que j'affectionne pour expliquer ça, c'est le rhizome de Deleuze et Guattari dans ce maître livre qui est « Les mille plateaux » de 1980. Le rhizome, c'est une racine proliférante qui part dans tous les sens. Il n'y a pas de nœud de communication, il n'y a pas de tête de réseau, il n'y a pas de terminus, il n'y a pas de hiérarchisation. Et cette image-là, évidemment, nous oblige à repenser intégralement nos fameux concepts et notions et outils cognitifs. La ville est ce vers quoi converge l'Anthropocène. Depuis 2007, l'humanité y vit en majorité, et elle y vivrait aux trois quarts en 2050. Les mégapoles avancent, grignotent, minéralisent, comme une bravade au réchauffement climatique et au déclin de la biodiversité. Et la ville aujourd'hui, c'est connectée qu'on l'imagine, smart, bourrée d'intelligence artificielle, pleine de promesses hors sol. Mais, de manière concomitante et non sans contradiction, apparaissent ici et là des écoquartiers, des jardins urbains, des toits végétalisés. Une ville qui cherche à redonner au sol justement son importance. Une ville également moins énergivore, plus low-tech, de basse technologie. Toutefois, verdir n'est pas écologisé, et la pensée de la nature dans la ville doit être une pensée de la ville dans la nature. Comment alors faire tenir nos immeubles dans la maison commune ? Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 3, la possibilité d'une ville verte. L'écologie comme méthode, c'est-à-dire comme méthode qui combine à la fois le processuel, la transversalité et l'interrelationnel, ça c'est excessivement récent. Et appliquer cette méthode à l'urbanisation, c'est encore plus récent et ce n'est pas majoritaire du tout. C'est-à-dire que je lis énormément d'ouvrages, même des manuels scolaires où cette question n'est même pas évoquée. On continue comme avant à dire voilà, la ville grossit, c'est super, plus elle est grosse, mieux c'est. C'est même pas une conception de l'ubris, c'est les données de la Banque mondiale, des Nations unies, c'est le modèle chinois. Hein, il y avait 11 villes millionnaires en 1900, il y avait 160 villes millionnaires en 1960, il y avait 535 villes millionnaires en 2015, et on annonce 750 villes millionnaires pour 2030, dont 150 en Chine, avec comme moyenne de population 6,5 millions d'habitants par ville. Dominique Bourg, philosophe. La ville, c'est aujourd'hui à peu près la moitié de la population, mais justement, c'est très intéressant ce qui se passe dans la ville aujourd'hui. Avec le développement de l'agriculture urbaine, des jardins, du désir de la végétaliser, etc., de rendre à nouveau aérienne la circulation des cours d'eau, de réintroduire le vivant, les animaux, même le sauvage, dans la ville. Moi, à Lausanne, il m'arrive de temps en temps de croiser un renard, il y en a beaucoup. Et donc, c'est très très paradoxal parce que pour les modernes, la rupture entre la ville et la campagne est une rupture paradigmatique, forte, qui s'impose d'évidence. Et on voit que la tendance aujourd'hui est à remettre, comme aurait dit Alphonse Allais, d'une certaine manière, la campagne dans la ville. Et donc à en finir avec cette rupture. Et d'ailleurs, si on veut rendre la ville un tant soit peu vivable avec la montée des températures en cours, si vous ne la végétalisez pas, c'est absolument effrayant. On sort d'une forme d'urbanisme moderne qu'on va assez rapidement maudire parce qu'elle rend la ville insupportable l'été. Parc Martin Luther King, au nord de Paris, dans le 17e arrondissement. Un parc, encore en travaux, conçu comme l'élément central d'un écoquartier. 6 hectares et demi végétalisés, 17 termes, entourés d'immeubles d'une quinzaine d'étages. Nathalie Blanc, géographe. Quand on est ici, je trouve que on ressent une grande violence, finalement, de ce vis-à-vis des bâtiments face à cet îlot vert. Avec de l'eau, des mares, donc une zone humide et la restitution d'une zone humide. Donc il y a un effort et puis une trame verte comme on appelle ça, qui va se prolonger au-delà des voies ferrées. Donc il y a un ensemble d'éléments qui font partie du vocabulaire contemporain de ce qu'on appelle nature en ville. En fait, nature en ville, c'est de manière permanente travailler les contradictions au cœur de la ville. Mettre le plus de gens possible sur le plus petit espace et réduire finalement cette emprise spatiale pour libérer de la place pour des espaces verts ou des espaces de nature. Mais si on parle en termes de résilience de la ville, on peut dire ce qu'on a fait, on a fait l'analyse avec des collègues du muséum sur savoir combien finalement ce verdissement de l'espace ajoutait en termes de services écosystémiques. Alors, je ne sais pas si... Voilà, services rendus par la nature, pour parler simplement. Et par exemple, capture de carbone, infiltration de l'eau, etc., etc. On voit que ce parc est un ajout majeur du point de vue des services que ça rend au quartier et en termes de biodiversité. Gilles Boeuf, écologue. Il y a un joli papier dans The Lancet. The Lancet, c'est une revue médicale qui n'est pas une revue écolo. Hein. 2009... Ils ont regardé les gens, 40 000 personnes dans les grandes villes britanniques, et se sont rendus compte que si vous avez accès au sein d'une grande ville à un parc, pas un petit square, je parle d'un parc avec quelques arbres sur une surface assez grande, vous changez complètement les maladies de votre 30 dernières années de vie. C'est pas intéressant ça. On montre aussi que ça gomme les inégalités sociales. Ça veut dire que pour les pauvres gens malheureux qui ne peuvent pas partir en vacances, ça leur restitue une dignité biologique de relation avec de la nature en fait. Ça, c'est, pour un homme politique, pour moi, mais c'est ça qui est fondamental, en fait. Ramener du vivant en ville, et j'ai vu ça très bien durant la canicule 2003. À Paris, on avait fait des images thermiques hein, du ciel de Paris, c'est spectaculaire. Hein. Entre une rue entièrement bétonnée et à quelques centaines de mètres de là, des arbres, il y avait 6 degrés d'écart. Et bien, ça passait ou ça cassait. Hein. Ramenons de la nature en ville, ramenons des arbres en ville. L'arbre, il est tellement prodigieux. Ici, on est entouré d'arbres. On les aime, les arbres. Tout le monde les aime, les arbres. J'espère que oui. Hein. Qu'est-ce qu'on leur fait aujourd'hui? On les massacre. Et l'arbre, le retour de l'arbre en ville est fondamental pour l'hygrométrie. Ça ramène de l'humidité, ça ramène de la fraîcheur, ça c'est clair. On me dit, ouais, mais vous comprenez, en ville, les racines déforment mon bitume. Diantre. Quel drame, effectivement. Ou alors on me dit, il y a des oiseaux dedans, ils font caca sur ma voiture. Autre drame. Je vais relativiser les catastrophes ici. Hein. Cette pensée du sauvage en ville, elle reste toujours très... On tolérerait un renard, peut-être pas 10. On tolère un animal, mais dès qu'on a le sentiment d'être envahi, là, on peut se montrer tout à fait impitoyable et les comportements peuvent être extrêmement violents. Ça décrit une peur. Ça, c'est vraiment, vraiment une peur extrêmement profonde parfois. Et on la ressent quand on interroge des gens au sujet des pigeons, au sujet d'un certain nombre d'espèces dans les villes. Qui provoque de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Et pour ce qui est du végétal, les friches ou les pieds d'arbres qu'on a essayé de laisser, on a été obligé de revenir dans différentes villes sur cette politique, puisque ça finissait par être des dépotoirs, c'est-à-dire que les gens assimilaient ces herbes sauvages avec l'idée d'une poubelle à ciel ouvert. Donc, encore une fois, il n'y a pas une pensée de cette... des plantes qu'on a devant, de ce qui pousse spontanément comme quelque chose de précieux. Cette volonté de retour de la nature dans la ville, elle n'a pas été constante au cours du temps. Alors, c'est une histoire, d'abord c'est une construction, on le voit très nettement dans les textes du 18e, où on a une ville contre la nature, une civilisation contre des paysans ou des gens qui sont censés ne pas être cultivés. C'est le lieu de la bourgeoisie contre les paysans, quoi, d'une certaine manière. Après, le tournant, il est au 19e siècle. Et c'est aussi les prémices de la naissance d'un urbanisme qui naîtra en France, en tout cas, on le date autour de 1910, en tout cas la naissance du mot. Mais un ensemble de techniques prennent corps au 19e siècle qui consiste à faire la ville, à la voir comme projet. C'est-à-dire avoir ce projet d'être capable d'ériger un lieu qui soit à la mesure des êtres humains et uniquement. Ce qui fait qu'on aura de cesse de vouloir expurger la ville de tout ce qui peut la salir, de tout ce qui peut l'entacher. Et on le voit très nettement hein, dans tout l'effort philanthropique ou dans l'effort de salubrité publique au 19e siècle, alors qui consiste à faire que les pauvres habitent proprement, qu'on arrête les souleries et qu'on leur donne un bout de jardin parce que comme ça les occupera plutôt que d'aller saouler par ailleurs. Enfin, tout ce travail de construction de la ville, il prend naissance au 19e siècle avec l'idée, l'invention du macadam, du bitume, qui va quand même permettre d'installer des chaussées beaucoup plus sûres, notamment pour la mobilité, alors que c'était extrêmement bruyant. Donc on a eu l'invention également un peu plus tardivement du zonage, c'est-à-dire la séparation des fonctions urbaines en différents lieux. Donc avec l'idée que d'un côté on habitait, de l'autre côté on travaillait, du troisième on avait du loisir. Et du coup on a l'idée d'une ville contre nature qui va s'expurger et qui va maintenir finalement l'espace vert comme un espace de décor. Jardin des plantes de Paris. Philippe Clergeot, écologue. Dès les tout débuts des années 2000, il y a plein de municipalités qui ont commencé à pu mettre de pesticides dans leurs jardins, dans leurs voiries. C'était le début. Voilà. Et donc du coup, il y avait plein d'actions à mener à une échelle que je dis locale, c'est-à-dire quelles espèces on va planter, comment on va les planter, comment on va arroser, comment on va gérer ça, est-ce qu'on met du pesticide, est-ce qu'on va... Voilà. C'était un peu le début d'une première approche. Et ce que l'écologie du paysage a énormément apporté, c'est aussi une approche beaucoup plus globale, et beaucoup plus holistique, ouais, une approche de territoire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus l'échelle de la parcelle, là on est à l'échelle du quartier ou de la ville, et on va s'intéresser pas tout à fait au même mécanisme, on va s'intéresser par exemple à la dispersion des espèces. Et c'est ces premiers travaux des années 1990-2000 qui ont été faits un peu dans le monde entier. En France, on travaille surtout sur le monde agricole, hein, tout l'intérêt des déplacements des espèces dans les bocages, dans les haies et tout ça, qu'on a retransposé un petit peu en disant, mais aussi en ville, on pourrait imaginer des choses comme ça. Donc même un jardin aussi performant, intéressant et bien géré, peut-être comme le jardin écologique ou comme le jardin des plantes, mais qui est complètement isolé au cœur de la ville, il y a peu d'espèces qui vont arriver. Alors, le Grenelle de l'environnement avec les trappes vertes et bleues notamment a été un très très grand virage dans la prise en compte, dans la prise de conscience un petit peu des décideurs et des aménageurs. Il va falloir aussi qu'on intègre les capacités de déplacement des espèces. Donc du coup, voilà, il faut réfléchir aussi à comment la commune, comment la ville, comment le bourg, il est structuré. Et est-ce que je continue à mettre d'abord mes bâtiments, mes parkings, puis dans les petits espaces, je mettrai un peu de verdure. Alors beaucoup d'élus, mais dans plein de villes, ça a été fait, c'est de dire, dès qu'on a une ligne de platane, c'est un corridor écologique, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Il y a très peu d'espèces qui utilisent ces aliments d'arbres pour se déplacer, et a fortiori le sol, hein, qui est complètement goudronné. Donc, la difficulté, elle est liée à la culture. D'abord, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est rentré dans une culture d'urbanisme, de gestion de la ville. C'est compliqué. Le prix du mètre carré, quand même, est très cher, surtout dans les grandes villes. Alors, c'est là qu'il faudrait effectivement avoir développé le plus de continuité verte. Une anecdote, notre dernière recherche, on a essayé de travailler sur les trottoirs et sur les façades, notamment dans Paris. On n'a pas réussi, alors qu'on avait un très beau projet, à ouvrir certains grands boulevards pour faire des noues. C'est des grands, c'est des fossés qui sont plantés, qui absorbent l'eau. Donc du coup, vous savez que les problèmes d'inondation sont de plus en plus récurrents. Donc du coup, c'est une idée aussi. Et en même temps, ça peut être planté. Boston l'a fait, par exemple, et des villes comme ça. On fait des nous, donc ça fait des traits de verdure, et puis ça fait qu'on a des arbustes, des plantes, et là-dedans, il y a des insectes et des animaux qui peuvent aussi s'installer. Alors, évidemment, c'est un peu une autre image de la ville. On n'est pas obligatoirement à toucher à des zones patrimoniales ou autres. On peut avoir des choses qui sont à côté et qui font sens. Alors ça, c'est une autre difficulté de la trame verte en ville. Et puis, il y a la formation de nos élus dans les grandes villes qui sont vraiment prises sous une logistique et qui n'ont pas toujours des approches d'urbanisme très transversales. Alors, c'est là qu'il faudrait être beaucoup plus ambitieux aujourd'hui que simplement se contenter de quelques petits squares qui sont très demandés par la population, bien sûr. Du point de vue des acteurs politiques, on a l'impression qu'il y a une grande difficulté à penser la question environnementale. Ça, c'est, il y a un déficit en matière de représentation des interdépendances écologiques. Du lien entre la circulation, les gaz, la manière dont ça s'échappe, dont ça... Il faut dire que c'est très complexe. Du point de vue des citadins, ce qui était rigolo, par exemple, c'est qu'on avait fait une enquête sur cette ville française. Et ce qui était ressorti, c'est que, par exemple, la continuité urbain-rurale pour les Parisiens était pas du tout, ils ne la pensaient pas. Et ça, lié au mode de déplacement. Le fait que le métro, tu rentres et que tu ressortes à différents endroits, fait que la ville est pensée en rupture. Alors que par exemple à Strasbourg, ils ont construit des grandes trames vertes autour des canaux qui fait que les gens parcourent de grandes distances à vélo. Et du coup, il y a cette pensée de continuité, elle est beaucoup plus claire. Alors à Marseille, on est là vraiment dans une ville, on pourrait dire, méditerranéenne, où il y a d'un côté la ville et de l'autre côté la nature. On est resté sur des villes extrêmement minérales en leur cœur, à part pour la mer et le vieux port. Et puis tout autour, il y a ce bassin collinaire sur lequel la ville mord constamment et il n'y a pas de pensée de la nature en ville, sinon de manière extrêmement anecdotique. Donc je dirais que la réponse, elle n'est pas unique, elle s'inscrit dans l'histoire et la géographie des villes, en fait, à chaque fois. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur le plan de trame verte et bleue de Plaine Commune, qui est au sud de Paris, donc qui est important, hein. Il y a 9 communes, je peux me souvenir, voilà. Et quand on discute avec les services ou avec même des promoteurs ou autres, on s'aperçoit qu'il y a 5 à 7 niveaux de décision. Parce qu'il y a le niveau de la municipalité, après on va passer à différentes collectivités qui se superposent. Aujourd'hui, on a le Grand Paris aussi, en plus du département, en plus de la région. Tout ça donne son avis sur ce qui se passe, par exemple, en proche banlieue. C'est complètement, c'est une perte de temps, une perte d'échelle, c'est aberrant. En Ile-de-France, depuis les années 60, 100 000 hectares, en fin de compte, de terres agricoles ont été artificialisées, ce qui est quand même impressionnant. On sait qu'on perd en France un département tous les 7 ans. Donc voilà, on a quand même des chiffres, et l'Ile-de-France, de ce point de vue-là, est quand même assez, malheureusement, assez stigmatisée, même si on observe aussi, malgré tout, des poches de résistance et surtout une prise de conscience importante, ce qui fait que on peut imaginer qu'il y a un ralentissement. Et en même temps, depuis 2015, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, après une phase justement de ralentissement, on est reparti à la hausse en matière de consommation de terres agricoles. Et la disparition de terres agricoles, à un moment donné, elle va quand même poser un gros problème, et elle en pose déjà, pour nourrir la population de la planète. Mais au-delà de ça, encore une fois, avec cette minéralisation, on a quand même quelque chose d'extrêmement grave, parce que ça touche le climat, parce qu'on touche à la notion de sol vivant, ce sol vivant qui est quand même un combat extrêmement important à mener, parce que il y a des questions de biodiversité, il y a encore une fois des questions climatiques, il y a des questions de continuité écologique, mais la minéralisation, c'est vraiment recouvrir d'une couche imperméable, imperméabiliser donc le sol. Et à partir du moment où on a imperméabilisé le sol, celui-ci ne peut plus absorber notamment l'eau de pluie, ça crée des ruissellements extrêmement importants, ça lessive du coup, quand il y a des grosses pluies, les terrains qui sont eux-mêmes, les terres agricoles, déjà pas mal lessivées par le fait, notamment ici on se situe sur de l'agriculture intensive, hein, de l'agriculture conventionnelle, avec malheureusement quand même des terres qui ont longtemps été arrosées de produits phytosanitaires. Donc tout ça mis bout à bout, contribue à la dangerosité en cas d'épisode de pluie intense. France. Et on peut imaginer d'ailleurs que le changement climatique, justement, avec ces événements extrêmement violents, que ce soit la chaleur ou l'eau, soit de fait encore plus violent sur des territoires comme celui-là. Les fonctions des sols, c'est la fertilité, être support des plantes, et c'est aussi le stockage de l'eau. Les sols fonctionnent comme des éponges, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'absorber l'excédent d'eau de pluie et de le renvoyer vers les nappes. Et donc, on doit aujourd'hui concevoir les villes comme des villes éponges, tant que faire se peut. Ça se joue à l'échelle des quartiers, notamment par les espaces verts qui les entourent, par des aménagements un peu techniques comme les noues, ce qu'on appelle une noue, c'est un fossé qui vient récupérer l'eau de pluie, par des espaces verts en grande quantité, par des revêtements drainants sur la voirie, sur les trottoirs, plutôt privilégier des dalles enherbées ou des mélanges terre-pierre que du bitume. Voilà, par tous ces systèmes-là, mais on peut arriver aujourd'hui, c'est ce que dit d'ailleurs les agences de l'eau, elles disent qu'il faut attraper la goutte d'eau là où elle tombe et ne plus avoir à la gérer par des tuyaux, des réseaux qui en plus coûtent cher et qui sont souvent saturés en période d'inondation. École du trapèze, Boulogne-Billancourt. Terminé en 2014, ce bâtiment, conçu comme une école de la biodiversité, a sur son toit un jardin de 1650 m². Typiquement ici, sur cette école des sciences et de la biodiversité à Boulogne, on est sur une architecture réinventée qui intègre pleinement les questions de nature et de biodiversité. On est ici sur, on se croirait pas dans une ville, on se croirait dans un petit boisement, dans une forêt, parce qu'ils ont réussi à mettre sur le toit la biodiversité en quelque sorte qui a été perdue au niveau du sol. Et c'est une prouesse technique et scientifique. Marc Barret, qu'est-ce qu'on trouve sur ce toit? Qu'est-ce qu'on trouve comme espèce? Alors, on a plusieurs espèces qui ont été mélangées, d'arbres et d'arbustes. On a des érables, on a des cerisiers, on a du charme, on a du cornouiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un frêne. Voilà, un mélange d'espèces qui sont représentatives de ce qu'on trouve ailleurs sur le territoire et ailleurs dans la région. En tout cas, on essaie sur ce bâtiment de varier les milieux, finalement, et les usages. Il y a une première prairie qui va être facilement cheminable et qui part du bas, donc on la voit depuis le bas du bâtiment. Puis il y a cette forêt en haut du toit, qui est un peu moins franchissable, et justement pour jouer sur la diversité des milieux, qui est visible depuis les autres bâtiments. Et je pense que si on demandait aux gens qui sont dans les bâtiments à côté ce qu'ils pensent de cette forêt sur le toit, ils en seraient très contents et ravis. C'est une belle vue sur la verdure. Et puis il y a la partie potager qui, elle, est faite pour les enfants et pour les élèves de l'école. Et ça, c'est absolument fantastique quand on vient sur cette toiture et qu'on voit les enfants s'occuper soit des poules, soit de leur bac potager. Ils sont heureux. Et un élément fondamental de ce bâtiment, c'est qu'il a été conçu pour être, d'une part, très peu géré. Ici, la partie forestière, elle a été plantée initialement, un peu arrosée la première année pour que ça parte, et depuis, rien. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire on va voir avec le temps comment ce bâtiment va se végétaliser tout seul. Ça, c'est la toiture. Il y a aussi la façade de ce bâtiment qui est unique au monde, où ils ont conçu des modules en béton dans lequel il y a de la place qui a été laissée, des infractuosités pour accueillir de la terre et pour que ce bâtiment, cette façade, se végétalise toute seule. Alors comment? Par le vent, par les oiseaux, par les graines qui étaient déjà présentes. Et cette idée d'auto-végétalisation, de bâtiment qui va se végétaliser tout seul au cours du temps, est, je trouve, très séduisante par rapport à certaines opérations de verdissement où on vient installer un système très maîtrisé qui va peut-être consommer beaucoup d'eau derrière, qui va demander beaucoup d'entretien. Là, c'est tout à fait différent. Et on a même la preuve scientifique de ça, c'est que dans le cadre de nos travaux scientifiques à l'Agence régionale de la biodiversité, on fait un suivi de la flore sur la toiture. Et on sait qu'initialement, il y a 44 espèces qui ont été plantées sur ce bâtiment, sur ce toit. Et suite au dernier inventaire floristique, on a identifié 114 espèces. Ça veut dire que 70 espèces sont venues spontanément sur le bâtiment. Et donc elle est là, la prouesse scientifique. Elle est à la fois dans la quantité, une surface considérable de végétalisation sur une profondeur maximale d'un mètre, 1,20 m, et ensuite dans la qualité, c'est-à-dire qu'on est sur des choses qui se gèrent par elles-mêmes plutôt que via beaucoup d'entretien et de maintenance humaine. Est-ce que aujourd'hui permettre une biodiversité en ville, c'est un enjeu de résilience par rapport aux changements globaux, notamment aux problèmes de changement climatique? La biodiversité, c'est des espèces, des gènes, des écosystèmes, donc une diversité, mais aussi de l'organisation entre ces éléments, entre ces espèces entre elles, entre ces espèces et le sol. Et c'est ça qui est nouveau, qui est fondamental. Et pourquoi maintenant dire qu'il faudrait faire qu'on fasse ça aussi en ville? Parce que c'est un gage de durabilité pour moi. Enfin, une certaine forme de stabilité, on n'aime pas trop le terme de stabilité en écologie, parce que tout est très dynamique, mais quand même. Pourquoi? Parce que une toiture de sédum, c'est les petites plantes grasses qu'on met beaucoup là, parce que c'est très facile, ça se déroule, c'est pas cher, et on averdit, permet de temporiser l'arrivée de l'eau et tout ça, mais ne permet pas du tout d'avoir de la faune, et puis faut y retourner tous les 6 mois pour arracher des mauvaises herbes. L'idée, c'est que si on avait plutôt une complexité qui se rapprocherait, on ne sera jamais dans le système naturel, mais qui se rapprocherait des fonctionnements naturels, des processus écologiques, comme on dit, donc les chaînes alimentaires, et bien on aurait beaucoup plus de stabilité, on serait beaucoup moins obligé d'intervenir sans arrêt. L'exemple que je prends souvent, c'est les grands platanes qui sont l'arbre de notre ville, de nos villes, c'est le platane. Pourquoi? Parce que c'est celui qui tient le mieux, la sécheresse, la pollution, il n'y a pas de souci, il est costaud. Le jour où il a une maladie, comme c'est le cas qui commence à arriver avec des insectes, il va disparaître. On n'a plus un seul arbre. C'est ce qui s'est passé dans l'Orme dans les années 60, où l'Orme a disparu à cause d'une maladie et a disparu de tous les bourgs et tous les petits villages et toutes les villes. On est sur de la monoculture, donc on est sur de l'agriculture, entre guillemets, un petit peu, donc du coup il faut gérer ça à outrance. Donc la diversité permet de tempérer un petit peu, temporiser un peu ça, cette notion de fragilité, et donc je rebondis sur cette notion de résilience bien évidemment, et en se rapprochant un peu des processus écologiques, on est capable normalement de fournir plus de résilience à des quartiers et à des espaces de ville. Antoine Lagneau, depuis quelques années, on assiste à l'avènement d'une agriculture urbaine, vraiment au sein de la ville. Là, on est sur une zone périurbaine avec des étendues d'agriculture intensive. Comment penser l'articulation entre cette agriculture-là et celle qu'on a vu émerger ces dernières années en ville ? C'est effectivement une articulation. Il faut penser que l'agriculture urbaine qui réémerge en fin de compte, parce que notamment dans nos villes occidentales, elle avait disparu, mais en vérité c'est une agriculture qui a toujours existé. Elle nourrit 800 millions de personnes à travers le monde, l'agriculture urbaine. Mais donc avec sa réapparition dans nos villes, elle vient, je pense, prendre la place d'un chaînon qui avait disparu, et quelque part elle vient intégrer un mix agricole. Et ce mix agricole, il est composé à la fois d'agriculture intensive, effectivement. Alors on peut espérer que cette agriculture intensive soit vertueuse dans quelques années et qu'on n'emploie plus de produits phyto, mais elle est nécessaire. On a besoin d'une agriculture avec effectivement ces grandes plaines céréalières, parce que la céréale, vous n'allez pas la produire avec de l'agriculture urbaine, ça va être un peu plus compliqué. Mais on a aussi besoin, quand on parle de mix agricole, d'une agriculture périurbaine, et l'agriculture périurbaine, c'est le maraîchage notamment, un maraîchage qui a quasiment disparu, notamment en Île-de-France, par rapport à ce qu'on connaissait à la fin du 19e et au début du 20e. Et puis donc, la résurgence de l'agriculture urbaine qui apporte un autre type, je dirais, d'alimentation. C'est du circuit ultra court avec quelque part une alimentation qui permet d'avoir des produits ultra frais qui conservent leurs propriétés aussi organoleptiques, nutritionnelles, que parfois quand vous achetez une salade qui vient même pas sans aller au bout du monde hein, mais qui vient du sud de la France, bah, elle a voyagé en camion, elle a perdu un certain nombre de qualités en matière nutritionnelle qu'elle pouvait avoir. Là, l'agriculture urbaine peut jouer ce rôle quand même justement qui permettra aux aliments ultra frais de conserver leurs propriétés. Donc c'est extrêmement important quand on parle d'articulation de visualiser effectivement ces différents chaînons qui quelque part constitueront le territoire alimentaire, le territoire résilient de l'alimentation, notamment dans des espaces comme l'Île-de-France. L'agriculture urbaine est une vieille histoire, de même que l'agriculture sur les toits. Un très beau livre de Georges de Montonac de 1906, ce qui s'intitule « Des fleurs et des villes », consacre un chapitre entier à « Et si on cultivait sur les toits ?» Puis il en arrive à une sorte d'impossibilité. Pourquoi il fait ça en 1906 ? C'est parce qu'il a introduit les jardins partagés, qu'on appelait les jardins ouvriers ou familiaux, de l'abbé Lemire, qui est un abbé, un prêtre, qui était le maire d'Esbrook et qui était en même temps un militant guédiste, c'est-à-dire un partisan du collectivisme, donc très mal vu de sa hiérarchie. Il a voté la loi de la séparation de l'Église et de l'État, cet abbé Lemire. Eh bien, il pensait qu'il ne fallait pas un jardin uniquement pour moraliser la classe ouvrière et l'empêcher d'aller au cabaret, comme on l'a souvent dit, de manière caricaturale. Il fallait un jardin parce que le jardin, pour chacun d'entre nous, c'est un rapport à la nature et à sa temporalité. Ça se présente comment, cette agriculture-là, urbaine, professionnelle ? Alors c'est une agriculture urbaine qui se cherche, une agriculture urbaine qui n'a pas encore un modèle économique vraiment cadré, parce que c'est tout nouveau. Hein. L'agriculture urbaine telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est vraiment le virage le plus important pris, c'est 2014, hein, c'est les élections municipales. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est aussi une agriculture qui, je dirais, est liée très fortement à des politiques publiques. Il y a un encouragement très fort de la part des collectivités à développer l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine familiale également, mais effectivement l'agriculture urbaine avec son pendant économique. Et donc, ça se traduit par actuellement des gros, toute proportion gardée, des vrais opérateurs, je dirais, de l'agriculture urbaine professionnelle, avec ce qui était avant des associations qui se sont professionnalisées et qui deviennent des petites entreprises qui se structurent donc économiquement avec des objectifs de rentabilité importants. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, de l'agriculture dans un immeuble ? Alors, ça veut dire qu'effectivement, il y a certaines surfaces qui sont plus adaptées quand même pour développer des projets où il faut vraiment avoir cette notion de rentabilité économique à l'esprit. Alors, c'est les toits aujourd'hui, hein, puisqu'on en parlait quand même énormément, c'est la surface en ville privilégiée, parce que ne serait-ce qu'on a très peu de foncier disponible dans nos milieux urbains denses, hein, comme à Paris par exemple, en petite couronne. Donc effectivement, les toits sont la surface privilégiée. Alors des toits pour à la fois faire de la pleine terre, notamment, avec du substrat que l'on va ramener sur le toit, mais des toits qui servent aussi à la construction de serres high-tech, ultra connectées, totalement gérées par ordinateur. Mais c'est aussi d'anciens parkings, par exemple. Là, on n'est pas très loin, justement, du nord-est parisien. Et ben, dans le nord-est parisien, près de la Porte de la Chapelle qui nous conduit vers ce territoire où on se trouve actuellement, vers Paris Nord, et bien près de la Porte de la Chapelle, il y a un ancien parking qui a aujourd'hui été récupéré par une petite entreprise et à l'intérieur duquel on fait pousser des champignons, on fait pousser des laitues grâce à l'apport d'une technologie quand même assez conséquente. Même si ce qui est important aussi à avoir à l'esprit, c'est que l'agriculture urbaine, dans sa version ultra économique, comme on est en train de parler à l'instant, ou dans sa version urbaine familiale, on est quand même jamais très loin d'une volonté de rester proche de la permaculture. Les agriculteurs urbains professionnels qui développent des technologies tentent toujours, d'une manière ou d'une autre, d'avoir une vision un peu permacole, même si, à un moment donné, on finit quand même par totalement s'en éloigner, je pense à ce qui se passe notamment aux Pays-Bas. Je lisais une étude américaine qui analysait très précisément l'agriculture sur toit dans plus de 120 villes au monde depuis plus de 10 ans. Donc là, on a des éléments factuels qu'on peut mobiliser pour essayer de réfléchir. La conclusion était très simple, c'est qu'il fallait des structures porteuses de ces jardins qui étaient sur les toits. Donc c'est forcément des structures en béton. Le béton n'est pas le matériau le plus écolo, ça va de soi. Ces structures porteuses, parce qu'il faut savoir qu'un mètre carré de surface cultivée sur 60 cm de substrat de terre, quand on l'arrose, évidemment, voit son poids doubler, quadrupler. Donc tout d'un coup, là, pour un mètre carré, il faut pouvoir supporter 500 kilos. Bon, alors, et qu'est-ce qu'on va cultiver ? On ne va pas mettre une moissonneuse batteuse sur les toits pour du blé ou du maïs. Donc on va cultiver des petites choses toutes simples, comme les tomates, le basilic, des plantes aromatiques, etc., des condiments. Bon, est-ce que ce sera rentable ? Pas du tout. C'est beaucoup plus cher que si c'était dans la vraie terre, dans le vrai sol. Et donc la conclusion de cette étude américaine disait que l'agriculture sur les toits n'était pas peut-être une mauvaise idée, mais c'était exclusivement high-tech. C'est-à-dire que c'était un truc pour riches, pour pays riches et pour les riches, des pays riches. Du coup, ça veut dire que c'est tout le territoire qu'il faut repenser autrement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus penser la concentration en un seul lieu, mais essayer d'imaginer, comme l'avait fait William Morris dans ses Nouvelles de nulle part, ou comme le suggérait Piotr Kropotkin dans Champ, atelier, usine, en 1898, comment avoir des villes-territoires, des villes-paysages. Et là, du coup, ça veut dire d'autres systèmes de mobilité. C'est-à-dire que là, on a tout faux. C'est-à-dire que quand on a lancé le plan TGV, on n'a pas mesuré à quel point on était en train de casser quelque chose de fondamental, qui était le maillage de tout le territoire avec une voie ferrée dite de proximité, qui nous fait défaut aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je devrais forcément habiter Paris ou la région parisienne, alors que je peux effectuer un métier qui peut être fait par le télétravail, qui pourrait me permettre en même temps de cultiver mon petit jardin avec d'autres, parce que je n'ai pas une vision individualiste de cette transformation. Et les alternatives dont parlait Dominique Bourg, que vous citiez tout à l'heure, vont dans ce sens-là. C'est toujours du coopératif. C'est le coopératif, ou la solidarité, ou l'entraide, enfin peu importe le vocabulaire qu'on utilise, qu'il faut favoriser. On va probablement fermer la parenthèse fossile qui nous a permis d'accéder à une espèce de gabegie énergétique dont on n'a pas fait que du bien, puisque finalement on aura dézingué le vivant et pété le climat. C'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais enfin, en tout cas on l'aura fait. Et de ce fait-là, on peut s'attendre à avoir une société alors non pas une société sans énergie, il ne faut pas non plus aller dans le truc ça, mais qui là aussi va chercher à imiter la nature. On aura beaucoup plus tendance à produire à échelle très locale l'énergie et à essayer d'imiter la nature. C'est-à-dire que la nature a un rendement énergétique très faible, la photosynthèse c'est très très faible, simplement elle ne gaspille rien. Elle utilise tout. Sans doute ce qu'on va devoir faire, c'est plutôt essayer d'imiter ça, d'imiter ce type de fonctionnement. Et donc pour le coup, oui, on n'aura plus à disposition et à profusion toutes sortes d'appareils énergivores. Moi, j'ai tendance à dire de manière provocatrice aux architectes que le meilleur bâtiment pour la biodiversité, c'est celui qui n'est pas construit. Et qu'en gros, la priorité pour demain, c'est d'une part rénover les bâtiments qui existent déjà, c'est utiliser les structures porteuses existantes et pas aller construire sur des milieux naturels ou sur des terres agricoles, c'est faire la ville sur elle-même. Le premier low-tech, il est dans la ville frugale. C'est utiliser moins de ressources, utiliser ce qui existe déjà. La rénovation avant tout. Deuxièmement, la question peut être un peu taboue des logements vacants. En Ile-de-France, selon les sources, on a 300 000 logements vacants, inoccupés. Qu'est-ce qu'on en fait ? La question est souvent mise au goût du jour. Il faut récupérer ces structures-là pour construire la ville de demain. Et seulement après, on pourra aller faire du neuf, du bâtiment neuf, et dans lequel on peut se donner toute latitude pour faire des choses magnifiques comme ce bâtiment-là, qui montre qu'on peut végétaliser, et que ça n'a pas forcément un coût supérieur. Ça, c'est une autre question qui est fondamentale. On sait faire aujourd'hui l'Arche de la Défense, on sait faire des tours de grande hauteur qui coûtent énormément d'argent. C'est une question de priorité. On peut aussi, dans ces démonstrateurs, choisir de mettre une bonne partie du budget sur le capital naturel, sur la nature, sur la végétalisation, sur les sols. Donc pour moi, la question du coût n'est pas un frein. Et enfin, également à l'Agence régionale de la biodiversité, on est en train de piloter une étude sur, pour comparer les coûts justement de différents types d'infrastructures, des plus grises, les plus bétonnées, aux plus vertes, les plus écologiques. Et dans la plupart des cas, que ce soit pour la gestion de l'eau, pour la végétalisation, pour le revêtement des voiries, eh bien on montre que les solutions vertes sont les moins coûteuses, que ce soit en entretien ou en conception. Et donc la nature, finalement, ça coûte pas si cher que ça. Si on devait donner corps à ce que tu décris, si on devait essayer d'imaginer ce que serait une zone périurbaine dans une vision holistique, dans une vision de la ville et de la périurbanité conçue comme un écosystème, ces terres-là qui sont devant nous, qui pourraient accueillir des projets commerciaux, elles pourraient aussi servir de zones de petite agriculture, de petites parcelles. Comment tu l'imagines idéalement cet endroit ? Je pense que c'est un endroit qu'il faut déjà encore une fois préserver en termes de, évidemment de terres arables. Ça c'est extrêmement important. Je pense que il faut préserver aussi la grande culture. Encore une fois, l'agriculture urbaine ou l'agriculture périurbaine ne permet pas d'avoir de production céréalière extrêmement importante. Or, eh bien c'est quand même une des bases de notre alimentation, la céréale. Et je dis bien de l'alimentation humaine, hein, puisqu'il y a aussi un enjeu effectivement. L'idée, c'est pas forcément que ces céréales soient destinées à alimenter les moteurs de nos voitures, hein, notamment via des agrocarburants, ou même d'alimenter pour les animaux, l'élevage, puisque l'idée c'est aussi de décroître sur notre consommation carnée. Mais n'empêche que ça me semble important de pouvoir conserver des territoires comme celui-ci de grande culture. Et à côté de ça, parce qu'ici il y avait effectivement aussi du maraîchage à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est peut-être de recréer et de faire du lien entre ces grandes cultures et du maraîchage qu'on pourrait recréer via de la petite agriculture familiale, qui serait aussi, pourquoi pas, avec une notion de rentabilité, hein. L'idée, c'est aussi de trouver des débouchés professionnels et donc aussi de pouvoir ramener de l'emploi. Par ailleurs, on parle beaucoup du fait que quand vous installez une boîte à chaussures sous forme de centre commercial, vous amenez de l'emploi. Déjà, c'est pas forcément démontré. Par ailleurs, ça peut aussi détruire de l'emploi dans le petit commerce, dans les centres-villes. Avec de l'agriculture, et notamment avec de l'agriculture maraîchère, accolée à ces grandes plaines céréalières, eh bien, c'est aussi de l'emploi qui est amené. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, en France, hein, ça induit 5 millions d'emplois. Donc, 5 millions d'emplois, c'est quand même pas neutre. Et on voit bien qu'au-delà de l'agriculteur en lui-même, il y a derrière toute une chaîne qui permet de créer de l'emploi. Donc moi, ça me semble important, et qui plus est, on voit aussi que l'agriculture réintéresse à nouveau, par ailleurs, les jeunes générations. Avant, quand vous parliez de paysan, c'était un mot qui était limite insultant. Aujourd'hui, le mot paysan, il a une autre signification. On parle beaucoup de néo-paysan. C'est vrai, on l'observe. On observe bien que des jeunes d'une vingtaine d'années ont envie de se lancer à nouveau dans l'agriculture, dans le maraîchage notamment, et c'est important de pouvoir, sur des espaces comme celui-ci peut-être, localiser des poches de maraîchage, de recréer en tous les cas des territoires de maraîchage, mais en préservant les grandes cultures, j'insiste, parce que c'est vraiment nécessaire dans notre mix agricole dont je parlais tout à l'heure. Grande culture, ça ne veut pas dire agriculture intensive, d'accord. Grande culture céréalière, en y soustrayant effectivement l'emploi de produits phytosanitaires et autres engrais chimiques. Oui, les politiques publiques ont une énorme responsabilité pour faire que ces projets soient plus l'exception, mais deviennent la règle. Encore une fois, on est dans des considérations environnementales qui sont assez nouvelles à l'échelle des temps humains. Donc il est normal que ça prenne du temps à se traduire de manière opérationnelle. Pour autant, je connais de plus en plus de villes, de collectivités qui revoient complètement leurs documents d'urbanisme, notamment les plans locaux d'urbanisme, en laissant plus de place à la nature et un peu moins aux espaces à urbaniser, par exemple. Il y en a d'autres qui font le contraire, mais la plupart des villes sont dans cet engagement-là. On réfléchit à la fiscalité. Je vous invite à lire les travaux de Guillaume Saint-Denis, qui est un fiscaliste et qui a publié un rapport pour le Centre d'analyse stratégique qui s'appelle « Supprimer les aides défavorables à la biodiversité ». Et donc, on se rend compte qu'il y a une fiscalité aujourd'hui qui incite à construire sur des terres agricoles ou des milieux naturels, plutôt qui nous en empêche. Donc il y a la fiscalité à changer, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a ensuite d'autres outils comme les cahiers des charges et les prescriptions. qui sont données à l'architecte, qui sont données aux ingénieurs. Il faut que ces prescriptions soient beaucoup plus ambitieuses et détaillées sur la question de la nature et du climat. Voilà, tous ces outils sont en train de se transformer. C'est d'ailleurs le rôle d'une agence régionale de la biodiversité, c'est transformer ces outils-là et accompagner les acteurs pour qu'ils y parviennent. Et bien petit à petit, moi je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière et que forcément, dans quelques années, les outils vont devenir de plus en plus adaptés à ces considérations environnementales. Les immenses mégapoles, on ne les voit pas résister à une décrue énergétique. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire non plus que les villes se vident, que la ville n'existe plus. On l'a vu, on sera sans doute des villes où la rupture ville-campagne sera beaucoup moins forte, avec une présence de la nature plus forte dans les villes. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais effectivement, avec un réinvestissement du territoire, et on le voit, regardez simplement en France, et le pays est très intéressant pour ça, c'est pratiquement un agriculteur sur deux qui s'installe, qui est quelqu'un de très formé, qui est souvent un agronome, parfois des gens qui viennent avec d'autres diplômes, et qui ne voit pas du tout dans l'agroécologie ou dans la permaculture un retour à grand-papa. Ce qui reste le cas des gens dont les parents sont encore agriculteurs. Et donc là, on voit bien que ce milieu agricole va vivre une mutation anthropologique énorme avec un basculement de sa culture. Et moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'une société plus écologisée et une société avec un territoire sans doute plus uniformément occupé. Je crois qu'il nous faut revaloriser la territorialité. C'est-à-dire que nous, l'être humain, quoi qu'on en dise, même si on essaye de mettre en avant l'image du nomade heureux, parce qu'il a sa maison, c'est son ordinateur portable, et donc il est partout chez lui en étant nulle part, moi je n'y crois pas. Je pense que un ancrage territorial est indispensable. Il n'est pas un enracinement du tout. Je n'ai aucune conception patriotique, nationaliste derrière ça. Et on peut avoir plusieurs lieux, du reste. Mais il nous faut quand même ce lieu. Parce que ce lieu, c'est aussi une relation avec le vivant de ce lieu, avec les humains de ce lieu. Et c'est pour ça que l'approche territorialiste qu'on trouve aussi bien aux États-Unis, très modestement, qu'en Italie avec l'école d'Alberto Magnaghi, c'est des choses qu'il faut suivre de près. C'est quoi ? C'est l'idée que le territoire n'est pas une donnée administrative, comme on le croit trop souvent. Hein, la municipalité et sa superficie, son périmètre, le département, la région. Mais le territoire, tout territoire, résulte d'un acte d'amour entre une population et un site. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de reconstruire, si jamais ça avait existé auparavant. Donc vous voyez, je ne suis pas dans la nostalgie d'une ville idéale perdue. Je pense que la ville est un heureux accident de l'histoire, comme le dit Fernand Braudel, et que c'est à nous d'œuvrer pour créer des villes, et non pas des urbanisations innommables. De certaine façon, je dirais que à côté du droit à la ville, qui avait été si bien élaboré par Henri Lefebvre et qui est repris partout dans le monde, dans les mouvements sociaux des bidonvilles et autres, je crois qu'il faut lui adjoindre un devoir de ville. C'était Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 3, la possibilité d'une ville verte, avec Antoine Lagneau, Dominique Bourg, Gilles Boeuf, Marc Barra, Nathalie Blanc, Philippe Clergeau, Thierry Paco. Prise de son, Alexandre Abergel et Laurent Groux. Mixage, Julien Douminc. Coordination, Marivonne Abolivier et Perrine Kervran. Une émission de Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon.